marcher longuement. Nous avons quitté cette tranchée où disaient les obus d'Outle qui n'avaient pas encore éclaté et la dépouille de Labou. Nous avons laissé les traces. Nous avons quitté la sente pour gagner une voie déchue et nous avons croisé divers chemins. Que nous avons tout autant délaissé, indécis. Devons-nous suivre les traces qui mènent aux porteurs de cornifleurs? Avant la mer et les terres et le ciel qui couvrent tout, le visage de la nature était un sur le globe entier. On le disait chaos, matière brute et confuse, rien qu'un poids inerte, des semences amoncelées, sans lien, discordantes. Quand il y avait terre, nous avons il y avait mer et il y avait orienté notre choix, instable, nos décisions, innavigable, air sans que lumière, nos questions, rien ne gardait sa forme. Une chose empêchait l'autre, car dans un même corps, le froid battait le chaud, les voies, le sec, déjà presque oublié, le dur, le sang, de la communauté, le poids, du village. La montagne se dresse, immense, un défi, la tour noire, selon les légendes. Aucun de nous ne se souvient avoir quitté suffisamment longtemps le voisinage des villages pour observer la voie déchue qui gravit cette pente, rongée comme une lèpre par ces arbres sombres, cette forêt dense. Constellé de pierrailles et de petites pièces de bois qui attestent que non, nous ne sommes pas seuls à arpenter ce chemin. D'autres, des villages, sont venus jusqu'ici. J'en ai pour preuve le fagot de bois, ce couteau à riz que l'on serre dans le coin pour récolter les brassées de riz. Sans que rien ne brûle plus, sans que rien ne brûle ton corps, la fin du monde semblait comme une menace tout eschatologique qui se profilait comme ça, comme une ombre, qui tapis venait jusqu'à nous, empiétait sur nos pensées. On aurait cru qu'elle venait nous étouffer. cette crainte. Tout dans le lieu, tout semblait régi par cette crainte, cette seule crainte. Cette peur qui se répandait dans nous comme elle se répandait dans les bois, comme elle se répandait dans les fleurs, comme elle s'égrenait partout sur cette terre. Et ce fagot, lui aussi, il était transitoire. Il était constellé de paraffine. C'est comme si lui aussi, il avait peur de brûler, de prendre feu. D'une guerre n'avait pas suffi à détruire ce monde. Ça, la fleur en question, et ça s'appelle un bougainvillier, et c'est en hommage à un navigateur Louis-Antoine de Bougainville, qui a donné son nom aussi à des îles de Bougainville et qui est un grand explorateur. Voilà. Pour un peu contextualiser ce que ça peut représenter. Cela faisait des heures que nous marchions. Des paysages, mais cela, malgré qu'ils aient une différence, ils étaient presque tous les mêmes. Nous étions tous fatigués. Pour le temps de penser, je continue le chemin. Puis, je trébucha au sol. Je vis Elio se retourner par surprise, mais en trébuchant, j'ai vu une chose. Une fleur. Celle-ci est très peu visible malgré sa couleur. Elle n'était pas comme toutes les autres fleurs. Rien qu'en la regardant, celle-ci me donna de la force. Je l'ignore pourquoi, mais... Dès que je me suis relevée, je ne ressentais plus la même fatigue. Je demandai à Elio, tu as vu la fleur? Quelle fleur? Celle-là. Effectivement, je la vois. Je ne l'avais pas remarqué encore. Tu sais ce que c'est? Avec d'anciens amis, on l'a surnommé la fleur du voyage. Oui. Mais sinon, je ne connais pas ce nom exact. Ou je l'ai oublié. Fenouille, est-ce que tu connais le nom de cette fleur? Pas le nom de cette fleur. On a vu d'autres de fleurs. C'est pas de mire. Là, dans mes yeux. Des fleurs étranges qui, l'espace d'un instant, tout transmué. Comme si l'ombre que projette les cyprès. Comme si l'ombre droite et l'ombre, pareil à eux, mon ombre, celle qui me suit à pas de l'ombre. Mais pas que l'ombre désapprouve, comme si cette aube était transfiguré, habité. J'ai vu quelque chose qui n'était pas. Et tu as attiré mon attention sur la fleur, mais moi je la connais pas. Moi ce qu'on m'a appris, c'est les herbes qui ont la faveur des vaches. Les herbes leur donneront un moment de répit et qu'après on puisse puiser à leur puits. Mais j'ai vu quelque chose fugitivement. Quand je t'ai vu trébucher, je me suis penché vers toi. Un mystère qui s'était envolé. J'ai senti en toi comme on a senti bizarrement quand la peau nous a quittés. Tu te souviens? Oui. À ce moment-là, on partageait tout, ensemble. Oui. On était tous en un et un, formions un tout. Le père, le frère, la sœur, une famille. Et il y a longtemps que nous n'avons pas été famille, je crois. Et là, quand je t'ai vue, je sais que tes cheveux n'étaient pas placés comme cela. Mais j'ai eu le souvenir d'un moment où nous étions au bord du lac. Et toi, une autre peut-être, te tenais au bord du lac. Contemplais. Tu contemplais, nous contemplions une fleur gorgée d'outre. Pleurs aux couleurs sans pareil, nées sur les immondices, sur les ruines du temps d'avant. Et on voyait dans ces couleurs, dans la force, toute la musique de l'autre, celle qui a résonné à nos oreilles, qui a résonné dans nos cœurs quand nous avons mêlé nos cœurs. Il y a si longtemps et pourtant si peu de temps. Elle avait une langue avide et moi j'avais, à ce moment-là, je ne voyais pas le visage de la personne, je voyais juste sa nuque. Je voyais sa nuque et les cheveux, ses cheveux posés sur l'épaule. Ses longs cheveux, je voyais le grain de sa peau, son oreille se détacher, une oreille qui m'était attentive, une oreille qui nous soit attentive. Peut-être est-ce que c'est le souvenir de ses pales qu'on m'avait dit qu'elle habitait au bord d'un lac. Peut-être est-ce le souvenir de promenade avec ses pales le long de ce lac, mais je ne suis pas sûr. Pourtant, c'est autre chose, parce que c'était ta nuque que je voyais, c'était tes cheveux que je voyais reposer sur l'épaule, et j'avais l'espace d'un instant, le sentiment qu'on était là depuis tout le temps et qu'on contemplait la musique de l'autre se répandre dans les plantes. La douleur que je ressentais à la main était moins vive, l'espace d'un instant. Et j'ai entendu ton cœur dire combien tu étais soulagé de ta fatigue. Je pense que si tu bois le nectar de cette plante, si tu bois cette plante, tu retrouveras encore plus de ta force. Tu seras baigné d'eau. Et peut-être que tu marcheras plus sûrement sur la route, comme tu as su le faire jusqu'à présent. Car nous étions là, sans savoir de nous aimer. Le père a dit que nous devions rejoindre le Honeck, et je ne sais même pas où ça se trouve. Sans doute dans la montagne là, qui se dresse, il nous faudra gagner le cœur du bois, et j'ai peur que nous ayons affronté une grande obscurité. De pas à la barre de l'escargot qui lui sur la tige. L'escargot noir comme ça, de fer, c'est celui qui rentre dans les ruines. Son corps noir et ses petits yeux jaunes nous disent que il a ôté tout ce qui était dangereux dans la plante. Il n'y a plus que le nectar, tu peux le sustenter. Te souviens-tu cette histoire de grand botaniste, un grand savant. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais il était accompagné d'une dame. Une dame qui l'a inspiré pour ses travaux. C'est un grand découvreur. Il a exhumé de nombreux artefacts du temps d'avant. On avait coutume de considérer que les femmes étaient néfastes aux expéditions. Aussi, la femme qui l'accompagnait a toujours demeuré cachée. Elle serrait ses cheveux étroitement sous son manteau pour que personne ne devine qu'elle n'était pas homme. Elle travestissait sa voix et se donnait des airs de matamore. Mais c'est elle qui fut la grande découvreuse, et pas celui qu'on a retenu. C'est ce que disent les vieux autour du feu, que c'est elle qui a pris la cornifleur. Parce que les sauvetteuses ne sont que des histoires pour les petits. Non. Ce sont d'autres créatures qui veillent sur la forêt et la sève des arbres millénaires. Peut-être que, puisque tu m'y fais penser, c'est là où nous devons aller. Il faut bien trouver leurs traces, retrouver ces arbres pour que nous puissions tous boire le nectar puisé à la sève de ces arbres, comme le fit cette dame. Si j'ai entendu ce qu'a dit Fenouil. Non. Ce que j'ai compris, c'est que tu devais boire le nectar. Oui. Bien. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais moi, ce que je trouve... ce que je trouverais plus intelligent à faire, c'est de... qu'on prenne tous une fleur et qu'on boive tous ensemble le nectar. Mais j'ai une question, où tu vas trouver la fleur? Bah, tu l'as vu pourtant. Oui, mais il n'y en avait pas assez pour nous tous. Bah, justement, ça pourrait faire l'objet de notre recherche. Trouver plus de fleurs. Demande aux autres. Oui, c'est fort. Oui. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait boire le nectar de la fleur qui se tient devant nous tous ensemble pour récupérer assez de force? Jamais une fleur ne pourra nous redonner autant de puissance. Fenouil. j'entends susurrer les rois de l'ombre à mon âme depuis que cet obus a fusé. Quelle que soit l'obscurité du monde qui nous entoure, nous devons porter notre propre lumière. Et celle qui portera le mieux notre lumière, c'est Aloé, et qu'elle doit... ce nectar, car mon esprit est trop confus pour que je puisse absorber l'autre qu'il contient. Et je pense que Père n'y verra pas d'obstacle à ce que ce soit Aloé qui nous guide, même si Père connaît mieux autrefois, connaissait mieux le chemin de la liberté, la voie libre qui mène au cœur des montagnes, les cendres de nos passés nous ont obscurci les mémoires. Jeunes, dont la mémoire est la plus courte, qui seront le mieux à même de se souvenir. Les seuls pour qui la revoyote est possible, mais c'est à Père de le dire. Qu'en penses-tu? Il sait fort. Père. Je ne suis pas votre père. Tu le fus. Je ne suis pas Dieu. Je l'ai vu dans l'obus. Tu as été notre père. Tu l'as oublié. Peut-être qu'un de tes renoncements t'a conduit à oublier ce que tu as dû céder. L'oubli. Rien dans ce monde, il ne touche personne. Cette fleur pour qu'elle boive le nectar. On va la couper, sinon personne ne pourra nous l'accueillir. Il faut simplement qu'elle en recueille le nectar. Il faudrait une patte pour ça. Tu as trop entendu parler de Il Titi, mon ami. On t'a trop sucé la moelle. Arrête. Frotte ton nez contre la plante. Tu repères tout le nectar. fais un bisou de papillon à la plante. Oui. Et tu pourras t'en délecter. C'est aussi simple que cela. Tu auras son pollen, son nectar, tout ce qu'elle peut te rendre, offrir. Nicéphore, cette inquiétude sourde. Le chemin est à deviner au pied des grands arbres. Dans la boue et les caillasses. La masse de pierre, le tas d'immondices, au sein desquels de multiples fleurs se hasardent, poussent sur leurs longues tiges. Aussi sous le vent, nous marchons depuis longtemps. longtemps nous marchons, mais nous avons le souvenir de l'évocation du bisou papillon. De ce lien rétabli avec la communauté des fleurs qui, partout dans les contreforts du col, et sèment dans les clairières, au pied des arbres, parmi les champignons. Nous avons suivi à nouveau d'étranges traces, des pieds massifs, imprime dans la boue le sol. Et au détour de chemin, non loin de vestiges du temps jadis, un véhicule de rouille et du fer qu'affectionnent les noirs escargots que nous avions vu tantôt. J'ai la dépouille d'un homme de Lanté dans ses atours presque intact, son casque ouvert sur ce qui reste de sa dépouille désertée, rongée par la bombe à houppe. Et en main, ce vieux fossile que je garde par devers moi, cet amas de petites pierres d'homme ou de quoi que ce fût auparavant, une beauté du monde d'avant l'Anté. Craignez-vous pas qu'on nous soyons devenus saturés à force d'être exposés à ces bombes à houttes, que peu à peu tout en nous fuit, l'houttes ronge nos âmes, nos cœurs, mêle nos cœurs et on se dissout peu à peu. Comme les chairs sur ce pauvre. Cette pauvre personne de Lanté. Il reste son scaphandre, mais il n'a pas résisté aux assauts des bombes à houppes. Que serions-nous, nous, des sauvageons, et nous pourrions échapper aux effets délétères de ces bombes? qui a peur autant que ça, mon gars. Je sais pas ce que ça peut signifier. J'ai peur. Peur qu'on soit plus nous-mêmes, qu'on soit totalement perdu, que ça en finisse pas et que qu'on finisse nous. Tout simplement. On a quitté les villages et on est au cœur de l'inconnu, on sait pas ce qui va nous tomber sur le rab. Tu préférais retourner ? Non. Non. Mais je sais plus. Je ne sais plus. Et toi, où penses-tu que nous devions aller ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait rejoindre Sepal ou aller sur le Honeck où Nicéphore disait autrefois que se trouvait la liberté ? Je pense rejoindre Sepal. J'ai jamais vu retrouver la liberté par là. Est-ce que la bombe à Goutte l'a susurré ? Mais justement, pouvons-nous nous fier à nos souvenirs, à nos sens ? Ou sommes-nous condamnés à errer ? Je pense que nous sommes condamnés.